marie moi pas qu'un bon moi surveiller, c'est ça qui fait que moi pas j'en prends. Moi gay on dit ménage, tiré les marie-clair. Moi pas qu'un bon moi surveiller, c'est ça qui fait que moi pas j'en prends. Ménage la belle en forme, les lave machines dans la rue, mon capable d'aller au bébé gaboulé. Monsieur Fantawessa, ménage la belle en forme, les lave machines dans la rue, mon capable d'aller au bébé gaboulé. Maman son bien grand monde, qui a une mauvaise manière, moi pas faire ni confiance, lui retourner c'est la mer. Dans mon remède tabac, dans mon remède café, dans mon remède mon pétel. Cherchez pour la clamera. Marie-Claire chérie, oui j'en connais maman et même. Aïe Marie-Claire, l'autre Marie-Claire, l'être à faire la gole soi, n'a le caché ensemble. Maman, on te remet, ouais, papa, on te bien content. Toute femme, on vit dans cette terre, ouais. Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, mais Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie. Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Paris, Pa